L'été se finit. Les nuages perdent leur pluie. Et pendant que l'automne s'installe, les fleurs perdent leurs pétales, les arbres leurs feuilles jaunies, et la playa ses jolies filles. Et moi, je perds espoir d'un jour te revoir, te revoir près de moi. Et l'automne disparaît sous un paysage enneigé. Et pendant que l'hiver s'installe, moi je perds le moral, j'ai perdu la parole et mon corps s'affole. Ouh, et mon corps s'affole. Petit Papa Noël, si tu descends du ciel, pourras-tu me ramener mon jouet préféré? Je n'ai pas été très sage, mais je l'aimais vraiment. Et même si j'ai passé l'âge, j'espère que tu m'entends. Ouh, j'espère que tu m'entends. L'hiver est révolu, mais tu n'es pas revenu. Et pendant que le printemps prend place, rien ne te remplace. Les jardins refleurissent, mais je ne les vois pas. La police m'a retrouvée et le monde enfermé. Je n'aurais pas dû te balancer par le balcon. Ouh, ouh, ouh. Les chocolats de Pâques peuvent bien fondre au soleil. Je suis un animal, j'ai tué ma femelle. J'ai tué ma femelle. Le printemps se transforme. Je repense à tes formes qui, sous les rayons de mi-juin, glissaient entre ses mains. Et pendant que l'été commence, les nuages partent en vacances. Et moi, je perds patience. Et moi, je perds patience. Ouh, ouh, ouh, ouh. L'été se finit, les nuages perdent leur pluie. Et pendant que l'automne s'installe, les fleurs perdent leurs pétales, les arbres leurs feuilles jaunies, et la playa ses jolies filles. Et moi, je perds mon temps. Ouh, ouh, ouh, ouh. Et moi, je perds mon temps depuis un an. Depuis...